La vie meurtrière, chapitre 2, huitième partie. Contre toute attente, ces dispositions subsistaient au jour, de sorte que j'en voulus faire profiter l'histoire générale de la sculpture française qui se morfondait dans sa chemise de carton. Je me mis à l'ouvrage dès la première heure, et j'étais si bien remonté que les choses marchèrent au mieux. Je débrouillais pas mal de besogne, et midi sonnant me surprit alors que je me croyais au début de la matinée. Tout fier, je ne voulus pas qu'un si beau feu se calmât, et je descendis en face chez un traiteur où je mangeais lorsque j'étais pressé. J'y pris un morceau sur le pouce, me brûlai la langue à mon café et remontai bien vite à ma table où j'écrivis avec frénésie jusqu'au crépuscule. L'obscurité put seule me faire lever le nez de mon papier. J'établis en ces quelques heures les grandes lignes du récit et serriai les chapitres jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'était un morceau. Étiré dans mon fauteuil, et le cerveau fumeux de cette griserie de travail, je me pris à considérer l'actif de ma journée avec complaisance. Et, de fil en aiguille, la vie, ma personne et la nature en général. J'avais les éléments sous la main. Je me les ressassais, par plaisir d'abord, puis bientôt par sagesse, pour m'occuper l'esprit et faire un ciment qui boucha les issues et m'empêcha de penser. Certes, j'étais loin de m'illusionner. Je savais qu'une quiétude aussi peu payée ne pouvait être solide, et qu'au milieu de tant d'orages, une si pauvre accalmie ne saurait avoir de lendemain. Mais, tout tremblant encore des désastres de la veille, et dans l'attente des prochains, je respirais, c'était beaucoup. Puis, tout se faisant chez moi par saccades et sautes brusques, il était naturel qu'après un coup si dur, je réagisse et sentisse le besoin de vivre un peu. Je me persuadai donc, sans trop le croire, qu'entre elle et moi tout était fini, que je ne l'aimais plus et que nous ne nous reverrions jamais. Je m'en convainquis, de cela et de mille autres billes vesées. Puis, quand je fus bien empli de ces fumées, une autre voix qui grondait en sourdine éclata, brisant tout, « Tu es un misérable !» Je courus à la brèche et me ruai sur l'ennemi, mais le flot m'envahit et je fus débordé. J'eus beau, pour renforcer le tas branlant de mes bastions, y jeter les raisons à la pelle. Ils croulèrent comme des murs sapés. Je redoublai, je mis à cette tâche le restant de mes énergies galvanisées. Tout fut inutile, et la débâcle triomphante m'emporta. Retombé de si haut, je vis l'horizon se tendre à nouveau des plus sombres présages. Pareilles à la flamme lassée de quelques lumignons, mes espérances crépitèrent encore quelque peu, puis moururent, et ce fut le noir absolu. Il n'y avait en cette occurrence rien de pis que la solitude. La fuite s'imposait. Je sautai sur mon chapeau, quand un coup de sonnette cassa violemment le silence. Un deuxième suivit, et je n'étais pas à la porte qu'un troisième éclaté, plus combinatoire encore que les deux premiers. J'ouvris, et Madame Montessac fit irruption dans l'appartement. Sans prendre garde au cri que sa venue m'arrachait, non plus qu'au geste tenté de lui prendre la main, elle franchit d'un trait le vestibule, passa dans la pièce et se jeta dans mon fauteuil. Je la suivis et tombai à ses genoux. Un reste de lumière grélissant de la croisée éclaira son visage, et je pus distinguer qu'elle pleurait. Cette vue doubla mes élans, je dis les plus sottes paroles, et, voulant à toute force cette main qui se dérobait, fut brutale, enfin la saisit. Mais au moment que je l'allais porter à mes lèvres, elle s'arracha. « Ah, oh, vous êtes un trop méchant homme !»« Ne dites pas, ne dites pas, je vous aime tant. Si vous saviez, claironnai-je, combien j'ai souffert depuis 3 jours !» Mais cet appel à la pitié ne s'acheva pas. Brusquement, elle s'était dressée et, tamponnant ses yeux de son mouchoir, s'en allait vers la porte. Je me pendis à sa robe et l'assiégeai des plus délirantes supplications. Que lui pus-je dire en cette minute où les murs semblaient tourner? Les mots les plus disparates se pressaient sur mes lèvres. J'annonnai, j'embrassai sa jupe et je fus grotesque. Mais sans doute aussi de quelque éloquence, ou plutôt son cœur adorable céda-t-il de lui-même, car nous nous trouvâmes assis tous deux au creux du divan, moi en larmes à mon tour, et plus épave qu'elle. Pourquoi, pourquoi, dites, pourquoi vous acharner à me torturer? Balbutiait-elle. Qu'avez-vous à me reprocher qui vaille tant d'affronts? Que vous ai-je fait? Répondez, vous voyez bien que je suis à bout de courage. Répondre, chercher des mots, assembler des phrases, alors que je la sentais palpitante et si près. Je ne le tentais même pas. Mes mains, d'ailleurs, pressant les siennes, déjà mollissantes, y suppléèrent. Tour à tour, égoulument, je les baisai, passant de l'une à l'autre, sans trêve, et, grisé par ce contact, déjà cherchai plus haut la peau tiède du bras. « Vous m'avez fait tant de chagrin, » bégayait-elle. « Pourquoi, dites ? » ?»« Parce que je vous aime, » lui soufflai-je dans les yeux. « Parce que ma vie sans vous n'est plus possible, et parce que je vous veux. » Elle poussa un faible cri et tenta de se dégager. Mais l'heure était enfin venue, et rien ne la pouvait soustraire à son dessein. Je brusquai l'attaque, et, cédant à des forces ainsi décuplées, sa tête charmante pencha jusqu'à moi. Ma bouche au passage effleura la sienne. Je fus violent. Elle se débattit, puis, brisée, s'abandonna. Une heure quelconque sonna dans les environs, et alors seulement nous trouvâmes la force de nous disjoindre. La nuit était venue, et, dans la pièce enténébrée, toutes choses avaient pris cette ampleur majestueuse qu'amène le soir. Ému jusqu'aux moelles, et plein pour elle de reconnaissance et de dévotion, j'embrassai au front cette fois le beau visage exténué, et j'essuyai les yeux où séchaient des restes de larmes. « C'est affreux, » dit-elle d'une voix comme rapetissée. « Je vous adore. Taisez-vous. Vous êtes toute mon existence. Taisez-vous. Ma chère Marthe, quelle honte. Non, pas cela. Jamais je ne me pardonnerai. Marthe, laissez-moi. Mon Dieu, » fit-elle en sursaut, « il doit être horriblement tard. Mais non. Si, donnez vite de la lumière. » J'obéis, mais si gauche qu'il me fallut 10 allumettes, puis j'apportai la lampe. À la hâte donc, en face de la glace que j'éclairai, elle se rajusta, tordit ses cheveux et y piqua son chapeau. 7h15, je suis folle. J'avance d'au moins 20 minutes. Vous le dites, parole, adieu maintenant. Adieu. Au revoir. Venez demain. Non, non, plus. J'ai tant de choses à vous dire. Plus tard. Venez me voir, vous, si vous voulez. Si je veux. » Elle partait, mais je ne pouvais me résoudre à la quitter et tenter de la reprendre. Flexible, elle s'échappa. « Assez, Jacques. Je vous aime. Soyez sage. Je vous aime. » Elle ne dit plus rien, mais je la sentis frissonner, et ses paupières lentement baissées furent éloquentes. Une fois encore, je serrai la petite main, puis elle partit, et, penchée sur la rampe, je suivis, aux écoutes, le bruit retenu de son pas, jusqu'à ce que, d'en bas, remontât le claquement de la porte fermée. Je rentrai sur la pointe des pieds, peureux d'effaroucher quelques vestiges de l'adorable minute. Mais rien ne subsistait qui pût la rappeler. Seul le divan ravagé gardait en ses plis la chère empreinte. Pris de pudeur, je n'osai m'y asseoir, et, respectueusement, me tins debout, à distance. La lampe, sur ses choses éparses, versait une lueur pacifique et d'apaisement. La soie luisait, et de grands pans d'ombre en soulignaient les modelés. Un frisson me prit à voir certains reliefs tendus comme des seins. Puis, brusquement, j'eus la vision très nette qu'ainsi, au lendemain de crime, s'offrent les chambres d'assassinés. Mais ce fut un éclair, et trop d'allégresse chantait en mon cœur pour que j'y pusse résister. D'un grand coup d'œil, je fis le tour de mon domaine, je respirai cet air qu'elle avait respiré, je remplis mes poumons, je le dégustai comme une eau pure. Au creux des coussins, sa forme vivante m'obsédait encore. Je la voulus reconstituer, et mes doigts encerclèrent le vide d'une caresse imaginaire. Je baisai la statue d'air ainsi formée, je mordis des étoffes et fus absurde voluptueusement. Même, croyant y retrouver la douceur de ses traits, je plongeai mes yeux au teint sombre de la glace, mais n'y perçus que leur effrayante ardeur. Un cheveu traîné, je le pris, et, longuement, sous l'abat-jour, le contemplai comme une merveille. Sur ma table, la dernière feuille écrite de l'histoire générale de la sculpture française luisait faiblement. J'essayai de lire, mais ne discernait que des mots sans expression. Quelle heure était-il? Trois fois j'interrogeai ma montre et trois fois la remis en poche sans savoir. Il fallait sortir tout de même. Je pris mon chapeau, mais à la minute d'éteindre, reculai. Il me semblait qu'avec la lumière, ce serait le mirage pour toujours. Enfin, honteux de tant d'enfantillage, je soufflai. Tout devint noir, je gagnai la porte à tâtons. Je pris un dîner rapide. Ivre sans avoir bu, je voyais choses et gens flotter comme dans un brouillard, et mes muscles se tendaient sous le poids des perdues félicités. Toutefois, soucieux d'en jouir à moi seul, et pour que rien au dehors ne transparût, je me fis un masque immobile et fermé. Personne à le voir ne se fût douté qu'il recélât pareil incendie. J'occupai le boulevard comme un potentat, et le trottoir fut trop étroit pour mes ardeurs. 2 heures je l'arpentai. Puis, impatient de repasser mon bonheur dans le calme, je pris un fiacre et rentrai chez moi. Déjà je m'y dévêtais, quand, inquiet d'un certain malaise ressenti dans la matinée, je crus devoir m'examiner. Ce que je vis me stupéfia. Un deuxième coup d'œil ne me confirma que trop la découverte. J'étais contaminé. Je crois bien que je ne me rendis pas tout d'abord exactement compte, et peut-être même y fallut-il plus de temps que je ne l'imagine. Certes, les preuves étaient là, palpables, et l'évidence me crevait les yeux. Mais, assommé par le coup, je tournais et retournais sur place, aussi parfaitement incapable de lui donner une explication que d'en préjuger les suites. Je le dis tout au moins et pour les besoins de la cause. Car, à la distance où j'en suis, la réalité de ces minutes s'estompe et disparaît. J'y supplée bien plus que je ne les transcris. Mais tel fut cependant leur sens vrai. Trouver la source du mal était élémentaire. Mais j'étais à ce point défait que l'indiscutable même semblait douteux et qu'il m'y fallut pas mal d'efforts. Enfin, je compris et eus tout loisir alors de me lamenter. Cela dura ce que ça dura. Puis, vaincu par les préoccupations d'habitude, je me mis au lit et crois même que j'y pus dormir. La situation n'en fut pas moins âpre au réveil. Mais, chose bizarre, je ne l'envisageais toujours qu'à mon seul point de vue. Penser que mon amie pût être atteinte ne se mêla pas une seconde à l'ordre strictement personnel de mes soucis. Était-ce égoïsme, peut-être, et bêtude plutôt. Toujours est-il que je m'affairai dès le lever. Si peu expérimenté que je fusse, j'en savais assez pour ne pas prendre cet accident trop au tragique. De nombreuses observations faites dans mes alentours m'avaient renseigné. Chez les jeunes gens, ce mal est courant, et certains s'entarguent par sotte vantardise. Je ne me montais donc pas l'esprit et acceptais ma disgrâce. Bientôt heureux de n'avoir pas récolté pis. Diverses courses, pharmaceutiques et autres, usèrent une part du jour. Le reste me servit à maudire le destin en la personne féminine de son instrument. Cela jusqu'à l'heure de mon rendez-vous. À l'étage seulement, et le doigt sur le timbre, l'affreuse idée me perça. Je la reçus en plein cœur. Elle. Mes jambes vacillèrent et j'entrai dans le salon d'un pas d'ivrogne. Personne, par bonheur. Un fauteuil me donna le temps de me ressaisir. 5 minutes passèrent. Quelle minute! Je n'en veux pas tenter le récit. L'immondice d'un tel souvenir m'étouffe. Qu'il me suffise de dire que tout ce qu'un cerveau congestionné peut suer de détresse m'abreuva, jusqu'à l'instant où, dans le chambranle de la porte, parut la délicate silhouette. J'ignore le sort de ces lignes, et ne leur en souhaite aucun. Mais si jamais homme fut soumis à pareil supplice, et qu'il les lise, peut-être celui-là comprendra-t-il et m'absoudra. Dans ce bref moment où toutes les démences battirent sous mon front, la seule pensée, la seule volonté, dirais-je, qui pût s'y implanter, fut une volonté de brute, une volonté de défense animale et méchante, un besoin instinctif de bête traquée qui menace. Faire front, nier, accuser même. Des mots irrémédiables montaient à mes lèvres. Déjà mes yeux heurtaient les siens, lorsque, souriante, elle fit 3 pas et m'offrit sa main à baiser. À ce sourire, mes négations toutes prêtes s'affaissèrent. Je sentis venir un espoir immense. « Allons, vite !» dit-elle. J'appuyai mes lèvres. « Assez maintenant, assez !» Je n'y pouvais croire. Mon visage blêmi dut être lamentable. « Êtes-vous souffrant ?»« Moi ? Et pourquoi donc ? Vous êtes si pâle ?» J'eus le mensonge hideux. L'émotion de vous voir. De ses paupières, elle me remercia. Je grimaçai quelque chose en retour. Puis, les mots me manquant, je crus un élan indiqué. Elle l'arrêta net. Soyez sage. Il le fallait bien. Mais j'avais des avantages. J'en abusais. Toujours alors. Toujours. Mais depuis hier, je ne sais comment je vis. Ah, chère Marthe, clamai-je sur un ton d'Hosanna. Chut, chut, fit-elle, il ne faut plus penser à ça, jamais. Il me semble que je viens de vivre un rêve. Jamais, vous m'entendez bien, jamais. Oh, Marthe, est-ce vous qui me parlez ainsi? Je vous en supplie. Tant de beauté flottait sur sa face que j'en oubliais mon ignominie. Je vous adore, Marthe, et ferai tout comme vous le voudrez. Alors causons, demandez-moi de mes nouvelles, il est bien temps. Le frisson me reprit, mais l'aspect de son visage était si rassurant que mes terreurs s'évanouirent. On connut si florissante mine, lui dis-je d'un ton que je tentais badin. Et votre travail? Peu. J'espère que vous allez nous donner un chef-d'œuvre. Peu. Il faut. Alors je vous donnerai un chef-d'œuvre. Et après? Après, un autre. Comme vous y allez. Je veux vous voir un homme illustre. Entendu. À la bonne heure. Vous voilà souriant. Comment ne pas l'être près de vous? Merci. Alors dites un peu ce qui vous a pris l'autre soir. Pourquoi cet air tragique, ces yeux furibonds, ces sorties et toutes ces duretés? J'en ai eu un très gros chagrin, je vous assure. J'étais furieux de trouver là cet importun. Furieux, oui, et jaloux. Et puis vos histoires de bateau m'avaient mis hors de moi. J'ai souffert beaucoup. Jaloux de Lambelle, j'avais bien compris, mais je croyais tout de même que vous me faisiez un crédit plus large. Pardon, Lambelle est un excellent ami, mais l'idée de me faire la cour ne lui est jamais venue, vous pouvez m'en croire. C'est même très drôle, ça, Lambelle amoureux. Et après ce beau coup? Je suis allée me coucher, de très méchante humeur, et n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ça, c'est le châtiment. Le mot porta. Un frisson me glissa sous la peau, mais ses yeux luisaient d'une gentillesse telle que, cyniquement, je renchéris. Châtiment agréable, puisque j'ai pensé à vous. Et vous n'êtes pas venu me voir le lendemain, ni le jour suivant, ni hier, et vous ne seriez peut-être pas revenu? Oh si! Et vous ne seriez sûrement pas revenu, je l'ai bien senti. Et vous ne m'auriez même pas écrit un mot d'adieu. Vous m'auriez laissé là, toute seule, dans ma peine, pour toujours. Comme c'est mélancolique, mon ami. Aussi est-ce moi qui suis allée à vous, parce qu'il m'importait, à moi, de vous voir, de vous rassurer et de vous consoler. Oui, vous êtes un cœur d'or, mais ne regrettez pas. Je ne regrette rien. Elle dit cela de son ton tranquille, ses yeux droits dans les miens, en honnête femme. Alors, vous m'aimez? Ah, oh, mon pauvre garçon, vous êtes vraiment peu psychologue. Cet aveu, d'elle à moi, à cette heure qu'un moment j'avais cru vouer aux explications abjectes, détermina sur mes nerfs une réaction si violente que j'éclatai. Je suis un misérable et un lâche, indigne de votre amour. Vous ne saurez jamais assez combien je me hais et me méprise. Allons, allons, voilà les bêtises, allons. » Nous devisâmes ainsi, l'un près de l'autre, et dans cette moiteur que crée le sentiment partagé, jusqu'à ce que la nuit bleuillît les fenêtres. Toute appréhension m'avait fui, et mes alarmes semblaient si ridicules que j'en eusse plaisanté. « Dînez-vous ? » dit-elle. « Impossible. Et pourquoi ? Je suis très en retard, dans Valmetarabuste, et, dame, ces jours-ci, je n'en ai pas fait lourd. » « Quel dommage. Quand alors ? Après-demain ? » « Entendu. » Je rentrai chez moi sur des ailes et y écrivis d'abondance jusqu'à minuit. J'étais léger comme un pinson, et du moment qu'elle était indemne, rien n'avait plus aucune importance. Moi, je serais vite hors d'affaire, quelques jours, croyais-je, et l'amour idéal m'emplissait. Il fallut déchanter. Le docteur, si tout allait bien, m'en donnait au bas mot pour 3 semaines. Encore faudrait-il des soins et un régime. C'était dur, mais je ne pouvais mieux faire que me résigner. Je suivis donc ses prescriptions à la lettre et trop heureux d'un dommage à moi limité. Le surlendemain, je sonnai chez elle, le cœur bondissant, mais sa vue éteignit vite ce qui me pouvait rester d'inquiétude. Ses traits étaient d'une beauté lumineuse, et son regard répandit en moi des ondes de douceur. Je passai là quelques heures divines. Montessac avait filé sitôt le dessert, l'atmosphère pleine de silence était complice, et, du vaste abat-jour, tombait une lueur qui colorait en rose mes illusions. Nos mains ne se quittèrent guère, et, si indigne et souillée que je fusse, mon âme était intacte. Je dis ce soir-là les plus nobles paroles de mon existence. Je la quittai vers 11 heures, à ce point nerveux qu'il me fut impossible de me coucher. J'en profitai pour revoir une 20aine de pages promises au Parthénon et déjà maintes fois réclamées, sur quoi, délassé, je ne fis qu'un somme jusqu'au jour. Nous devions encore dîner ensemble le lendemain et nous rendre à l'Odéon où Montessac avait sa loge. On pense si j'en attendais l'heure avec des nerfs. Malgré la gêne irritante de mon état, l'après-midi avait été bonne, et j'avais beaucoup écrit. Bien étalée dans mes coussins, je relisais, tout au contentement, mes dernières pages, lorsqu'on me remit un petit bleu. C'était d'elle. Elle me disait que, souffrante et désireuse de ne pas se fatiguer, elle remettait la partie à un autre jour. Ces 4 lignes, banales pour tout autre, m'atterrèrent. Mon cœur s'interrompit, puis, à grands coups, sonna le tocsin des catastrophes. Je trouvai néanmoins la force d'aller prendre de ces nouvelles, et jamais épreuve ne fut plus douloureuse. Mes genoux étaient en plomb, et le bruit du timbre me perça les tempes comme une douleur. On m'introduisit et je la vis couchée sur sa chaise longue. Je me précipitai, les mains suppliantes. Elle m'accueillit d'un joli geste et ses premiers mots furent pour s'excuser du contretemps. « Vous ne m'en voulez pas ? Votre mot m'a fait si peur. Comment vous sentez-vous ? Un petit malaise, rien de grave. Ah, et que dit le docteur ? Je ne l'ai pas fait appeler. Elle ne savait pas encore. C'était un répit. Vous êtes gentil d'être venu. Gentil, j'eusse préféré des injures. Un moment, je fus sur le point de lui crier la vérité, mais tant de bêtes lâches et viles grouillent en soi que je n'en pus trouver le courage. Vous m'attendiez bien un peu, pourtant. Sait-on jamais? Oh! La peur me fouettait si fort que j'osais donner à ce « oh » le ton d'un reproche. Je vous espérais, en effet, mais maintenant il faut vous sauver. Déjà, j'attends une amie assommante. Quelque chose d'infernal me poussa. Que ressentez-vous? De la courbature et du frisson. Vous aurez pris froid, sans doute. Probablement. À bientôt, je viendrai tous les jours. C'est ça. Je partis un rien plus allègre, mais la douceur de cet accueil ne me leurra pas. Elle ignorait, voilà tout. Pour combien d'heures? Ensuite, je tâchai de voir les choses froidement. Et, puisque la fatalité m'obligeait, résolus d'établir un plan. J'essayai de prévoir la scène et l'imaginai, violente, pleine de reproches et de mots durs, sous lesquels je bondis par avance et me révoltai, juge à mon tour. Puis j'échafaudai je ne sais quelle bâtie de lâcheté et de sottise, et, là derrière, me crus fort. Longtemps je tournai cette meule, à blanc, puis l'idée que, chargée d'un tel poids, j'avais pu supporter son regard et dire des lieux communs sans mourir de honte, m'étouffa. Je n'y pus tenir, et cet aveu que mes lèvres n'avaient pas su faire, je l'écrivis. 5 fois je recommençai ma lettre, et 5 fois la détruisis. À bout de ressources, je déchirai le papier et remis mon sort à la destinée. Fier de cette trouvaille, comme si elle m'eût coûté, je crus avantageux de reprendre mes travaux. J'attirai les feuilles de l'histoire générale de la sculpture française, dont le tas encombrait la moitié de ma table, et, dans le mouvement, fit tomber un objet assez lourd. C'était le revolver. Je le ramassai et vis, en l'examinant, qu'un point de rouille entachait le canon. J'effaçai ce point au moyen d'un chiffon gras, puis m'amusai à faire fonctionner le mécanisme. La précision sèche des détentes claquant dans le silence boueux où je m'enlisais me fit plaisir. Cela au moins était péremptoire. Quand j'eus longuement joué de cette arme, j'y glissai les cartouches et la reposai, après quoi je fus calme, étant, semble-t-il, moins seul. Mais tout cela ne changeait rien à l'affaire. Il n'en faudrait pas moins, dans un temps donné, subir le tête-à-tête définitif. Et toutes mes agitations n'y feraient pas plus qu'au coup de masse du boucher les tresseaux de la bête liés. J'atteignis le lendemain et sonnai avenue de l'observatoire en proie à des transes sans nom. Je trouvai Madame Montessac étendue. À mon entrée, elle jeta son volume et la bienvenue de ses yeux me fut l'annonce inespérée d'un sursis. J'eus le front d'en user, épris de ses nouvelles, la peur et civile conseillère, sur un ton presque détaché. Elle me les donna bonnes, et je m'en réjouis avec éclat. La parade était enfantine, et ne me trompa guère. Mais ce peu de bruit fut un dérivatif qui fit taire de plus grondantes anxiétés. Je n'en dus pas moins être livide, car elle s'informa de ma santé avec une chaleur plus spontanée à coup sûr que la mienne. Je lui dis n'être pas très bien, et insistai plus qu'il n'était digne, grâce à quoi l'intérêt dériva doucement sur ma personne, et, par mes soins, ne la quitta plus. Je rougis d'écrire ces vilainies, mais de tels aveux sont capitaux. En distraire quoi que ce soit serait mentir, et ce livre veut être une confession. Acculé à cette impasse de voir mon amour s'effondrer dans l'ordure, je me débattais, sans espoir que de retarder l'heure des explications. Je fus misérable et bas, mais le noyé roulé par le flot, discute-t-il la corde qui s'offre à sa main? Nous restâmes ainsi longtemps, pendant quoi je m'étourdis d'un bruit qu'elle eut, elle, la grâce de ne point interrompre. Et, de peur que de quelque imprévu ne jaillît l'étincelle redoutée, je menai la conversation de manière à ne le lui laisser placer tout juste que les réponses. Bénévole, elle se prêtait à tout, et je voyais, dans l'ombre montante du crépuscule, luire la blancheur de son grand front au pur dessin, l'arête fière de son nez, et, un peu brouillé déjà, le pli délicat de sa bouche. Fut-elle dupe, je l'ignore. En tout cas, elle se montra plus que tolérante à tant de bavardage. Mais, malgré la tendresse de ses reparties, il me sembla qu'un peu de gêne envoilait l'éclat, d'ordinaire plus vif, et je lui en fis l'observation. « C'est vrai, dit-elle, aujourd'hui je me sens particulièrement lasse. » Et voyant mon visage verdir, « N'ayez pas de souci, je vous affirme que ce ne sera rien. » Nous nous dîmes au revoir, et je baisai sa main, plus fiévreuse et moite que la veille. J'étais oppressée. L'idée de la laisser ainsi, sans même un mot qui fût personnel et vain du cœur, m'étranglait. Elle le trouva. « Surtout, couvrez-vous bien, ces dernières chaleurs sont si traîtresses. » Je partis là-dessus, et, ne sachant que faire de cette fin de jour, montez voir mon docteur. »